2G, 2MG, Rasta DJ, 3G, 3G, Rasta DJ, 2MG, RG, ok. Ah, on pète la face cachée du rap, le trou du cul dur, et tu saches que la vie est cruelle, que mon nom c'est RBB, ben la vie en pluriel. Faites envie bien sûr, j'y reviens car je perds la nuit. Tout seul qui jouit, ma vie coupée en 10, si je suis parti, on est charmant poké, on fait ses pépés, on nique les BD. Maman voulait pas que j'ai peur que cette douleur est mise en profondeur. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus. Toujours pas d'inspi en piste, ma pute faut que tu pisses. Rime au plus facile de MJ qui m'a brillé. Cardica traqué, gagnant, perdant, parce qu'on en est indépendant. Ami de marque, marqué sur la page, j'ai bu au recul. Mon flow bascule dans la queue de 3G, risque de se faire piéger. RG pour 3G, le 33 pour trinquer. RG pour 3G, RG pour 3G. RG pour 3G, RG pour 3G. Si on nique sa maman, voulait pas que j'ai peur que cette douleur est mise en profondeur. Que je vous dise, ou la porte pisse. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus. Ouvre la porte plus. Ouvre la porte. Ma tête à l'envers, petit bonhomme aux dents de fer. C'est la croix et la bannière pour faire ta pinzette. Et puis dans le vol vert, mon avenir, les mains en l'air. Ma hache de zoo sous le crépit, sa pépite au million de chocolat. Des petites mains au milliard de fois, des centaines et par milliers. Je fais toujours comme le Père Noël, pire qu'une seule. C'est le de fée, Marie Noël. T'envoies le side, c'est Arthur. Le S en virgule, trop de gens me saluent. Comme des putes de Bordeaux, des putes ou des tucs. Le trou de médoc, pour les voir sans deck. Je plane, reste plus pour rater cette DVD. Devant ta télé, j'ai plus de fric que j'ai CVD. Écoute VD, je sens que le cœur c'est platonique. Oui, à fait, j'ai béto. Et ça passe de ouf, moi, sans doute, je suis béto. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus, ouvre la porte plus. Que je mise plus. 2MG.